Ci pianto, soldat, pété, cota, bénézo, nerf froid, fraîche. J'ai séquencé les tagas, protégé, rentré les chatons, la rue passe sans mytho, sans félé, sans radio, sans télé. Bordelais, bordelais, où est qu'on ces mecs sont dingues, lion dans la jungle, ils restent tous de flinguer mon gang. Fumez-les, fumez-les, parlez à pas, fumez-les. Le rafond parti mort, les hommes de Bangkok à Baltimore. Mange tes coups bien combattant, j'ai jamais ce combattant. La vie est une bataille, on peut connaître quelqu'un quand le combattant. Ce qu'il faut faire, on le fait. Mais ferme ce reste froid. On n'est pas le meilleur quand on croit. On est le meilleur quand on le sait. Fais pas semblant de nous chercher. On bouge pas, parle pas de fuite. Encaisse la base du champion. Et toute mon équipe retweet. I'm back, I'm back. Motherfucker, I'm back. Comme un grand blanc dans la coin. Pas rentre dans le Coliseum. Google-moi jusqu'au bout des lèvres. Jaza et les tchèques. Sofiane, le plus célèbre. Des étoiles au fond des télés. Ferme ta gueule, histoire de. Juste pour voir. Wow, wow. Au nom du yep. Et du bras. Et du bas. Wow, wow. Qui veut toucher ferme son soldat, déterre, contard, vénéro, neuf fois, fraîche. I'm back, motherfucker, I'm back. Est-ce la raconte, bande-là, y'a du monde, on est là. Qui veut toucher ferme son soldat, déterre, contard, vénéro, neuf fois, fraîche. I'm back, motherfucker, I'm back. Est-ce la raconte, bande-là, y'a du monde, on est là. Ils m'ont dit, t'as qu'à prendre un kilo, t'as prendre 10 kilos, t'as qu'à prendre la vraie. Rajoute bien, ça dépend de quoi, ça dépend de qui, ça dépend de ouais. Noir ta vie dans de grands liquides, c'est toi qui décides si tu fais la drift. Rien ne m'arrête, rembatte mon équipe, toi qui tire à vie, toi qui fais pas de beat. Tu voulais ta place dans le game, t'y es. Sauf que c'est pas le même billet. Accroche-toi et rejoins-nous en Champions League, en NBA. Baby, mets ton pavage pour encaisser cette perceuse. Que je rentre dans ta vie, un cancer, problème à tête chercheuse. Les soucis sont pas les nôtres. T'attends que je me vaux du temps à faire le fier. Frère, tu reviendras sucer comme les autres. Dans ma pique, moi j'suis solide comme mes pêches, tout chalant comme mon as, on sème l'ADN de mon ADN, a du talent. Tu veux toucher ferme son soldat, déterre, contard, vénéro, neuf fois, fraîche. I'm back, motherfucker, I'm back, est-ce la raconte, est-ce pas de là, y'a du monde, on est là. Tu veux toucher ferme son soldat, déterre, contard, vénéro, neuf fois, fraîche. I'm back, motherfucker, I'm back, est-ce la raconte, est-ce pas de là. C'est le campo, combat brûlé, score l'oseille. J'entends qu'on parle tellement moi, j'en ai du sang qui sort de l'oreille. Reste en barrassant, j'ai l'insulte facile, l'accent. Need money, gang, c'est la roja, c'est les 4400. Pourquoi tu me dois, je dois rien à personne, j'ai pas d'ardoise. J'fais pas de rap pour ta copine, connard, mon flow c'est Star Wars. Pas de sécu, font les ballons, même claqué, j'reste conducteur. La prod c'est pas la ville, le sud c'est pas les restos du cœur. Fianco, fianco, t'inquiète même pas. Need money, gang.